Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble pour une nouvelle émission enregistrée un peu plus tôt dans la semaine, une émission donc en différé pour ce dimanche 12 décembre, et une émission qui va non pas nous emmener bien tard, mais nous faire commencer bientôt, comme vous vous en rendez compte, puisque nous prenons l'antenne alors qu'il n'est que 20h. Une émission à rallonge qui va faire près de 3h, puisque nous aurons presque une heure de consacrer à la présentation du Winter Rip qui aura lieu samedi prochain du côté de la salle Maria Callas. Voilà, c'était pour vous annoncer ça en entame d'émission. On va retrouver Émile, du coup, un des principaux organisateurs, aux alentours de 22h. Voilà, j'en dis pas plus pour le moment, on reviendra dessus généreusement tout à l'heure. Concernant la diff musicale, et ben pour ce soir, on entre encore pas mal de nouveautés. 9 au total. La nouveauté internationale est française, hein, Pyrexia, Funeral, Unanimated, Wardom Rife, Ossuaire, etc., etc. Pour les nouveautés de l'émission d'aujourd'hui, et ben, place à la musique, tout simplement, avec la première doublette pour ce soir, doublette de vétérans, la même doublette depuis 2 semaines. Hypocrisie, le groupe de death suédois qui nous sort son nouvel effort studio Warship, une sortie déjà dispo chez Nuclear Blast, et d'autres vétérans venus d'une autre scène, cette fois les Ricains de Exodus, le groupe de trash, qui nous sort son Persona non grata, également chez Nuclear. Et soyez attentifs, puisque Exodus, et ben on en reparlera dans un peu moins d'une heure, sur la fin de la première partie de l'émission d'aujourd'hui. Vous allez voir, dans un tout autre domaine, on parlera d'Exodus. Hypocrisy, Another Day, Exodus, Persona non grata, le titre donc de leur nouvel effort studio. C'est parti, et bienvenue dans l'émission. Don't give a damn. They put it in the you out. Revolution underway. I buy your silence, paid for in violence. This is my independence day. Your voice brings me to rage. I can't stand the thought of you. Discord is my true reward. Deux salles, deux ambiances pour la doublette suivante. On a tout d'abord la formation venue des États-Unis, Black Label Society, emmenée bien sûr toujours par monsieur Zach Wilde. Ils sortent là leur nouvel effort studio Doom Crew Inks. La recette est largement exploité, surexploité au sein de Black Label Society. Cependant, ça reste toujours très plaisant à s'écouter les sorties studio du Gonze et de son équipe de crassouilleux. 11e Effort Studio, donc pour Zach Wild et compagnie. 12 titres au programme, voilà, une bonne heure de zik. Et puis, bah, ma foi, personnellement, limite, je préfère plus Zach Wild en tant que vocaliste qu'en tant que guitariste. Enfin bon, du coup, le cocktail passe tout seul. Et ensuite, Zéro Tendresse, Zéro Délicatesse, Archgoat, le groupe de Bestial Black, War Black, qui nous vient de Finlande. Toujours la bestialité à l'état pur, c'est violent, c'est bête, c'est méchant. 5e Effort Studio, le 3e, qui voit le jour chez DBMU Morty Productions. Archgoat, Worships Eternal Darkness, l'album est également déjà dispo. Black Label Society, on s'écoutera le titre Ruins, c'est les ruines, ma foi, c'est tout ce que nous propose ensuite Archgoat. On s'écoutera le titre de l'album Worships Eternal Darkness, c'est parti. You don't understand. When they leave one. myself, or am I? De nouveautés, ensuite un groupe extrêmement rapide et ensuite un groupe extrêmement lent. Tout d'abord, nous aurons les Ricains de Pyrexia, excellent groupe de proto-slam Brutal Death. Pyrexia, un peu comme un Internal Bleeding, on pourrait classer ça dans la catégorie slamcore, histoire de faire hurler un peu tout le monde. Voilà, sixième effort pour le groupe venu de New York, 8 titres pour 24 minutes d'absolument aucune tendresse, une énorme tartine de brutalité. Et on n'attend pas moins d'ailleurs de Pyrexia. Pawn Talking, c'est le titre qu'on va s'écouter tout de suite, extrait de leur nouvel effort studio Gravitas Maximus, une sortie Unique Leader Records. Et ce titre Pawn Talking, vous allez voir, la fin est absolument dantesque. Et juste après Pyrexia, Funeral viendra finir de balayer ce qu'il nous restera d'enceinte, la formation norvégienne de Funeral Doom Death. sort là son 6e Elfort Studio, 9 ans après le précédent. Et du coup, pour l'occasion, une sortie prévue chez Season of Mist. 6 titres, 56 minutes de musique, des compos longues, chantées en norvégien. Première fois que le groupe s'oriente textuellement vers sa langue d'origine. À l'instar cependant du reste de leur discographie et de ce que nous a proposé récemment Skepticisme il y a quelques semaines, le Funeral version 2021 propose une base donc Funeral Doom avec cependant quelques éléments enrichissants type Gothic Doom comme un chant clair plutôt présent et même des orchestrations, quelques arrangements qui donnent un côté épique. Et donc voilà, c'est un peu moins dépressif, on va dire, que le Funeral de la première époque, et quelque plus lumineux que le pur Funeral Doom qu'a pu, encore une fois précédemment, nous proposer la formation venue de Norvège. Pyrexia est donc Funeral, le titre Hand, extrait de leur nouvel effort studio, qui lui n'est pas du tout en norvégien. Presentialis in Aeternum, une sortie donc sur label français, Season of Mist, c'est parti. Après cette doublette de nouveautés, eh bien ma foi, une autre nouveauté, Absou. Alors je veux dire, tiens, Absou, ça me rappelle un truc. Eh ben oui, l'orthographe change, le line-up évolue quelque peu. Cependant, on est bien dans le groupe, dans l'héritage de la formation de black thrash américaine Absou, qui, pour rappel, a splitté en 2020, après à peu près 30 ans d'existence. Et en fait, Absou, c'est le nom... réduit, on va dire, du patronyme complet Proscriptor McGovern's Absou. Donc bien sûr, c'est le vocaliste et batteur Proscriptor McGowan, c'est la tête pensante de ce qui a été Absou pendant presque 30 ans. Et voilà, version un peu plus réduite sous son propre nom maintenant. Alors en termes de musique, qu'est-ce qu'on a ? Rien de nouveau, on a envie de dire. Toujours un black trash bien furieux, intense et très bien inspiré, notamment toujours au niveau des parties de batterie. A noter cependant que le guitariste du groupe, c'est monsieur Daniel Gonzalez, notamment guitariste de Gruesome et de Possessed depuis une dizaine d'années. Donc voilà, techniquement, à tous les niveaux, on s'y retrouve comme il faut. Donc voilà, ça fait beaucoup de donc voilà. Absou version 2021, le titre de l'album c'est Proscriptor McGowan's Absou. On retrouve donc un album éponyme, une sortie sur label Agonia Records déjà dispo. Le titre Kassarik Pestilence et en doublette avec Absou, une autre formation qualitative venue des États-Unis. Là c'est pas une nouveauté, une sortie sur label Cruz del Sur Music Tower. Le groupe qui a bénéficié d'un superbe focus la semaine dernière dispensé par l'ami Thibaut, Choke to the System, voilà, second effort studio de la formation de Heavy Rickin, traditionnel, Heavy Metal d'ailleurs, Rickin, à chanteuse. Une excellente sortie encore sur cette fin d'année, The Black Rose, le titre de Tower qu'on va s'écouter. C'est parti. I'm doublette suivante, eh bien, encore une nouveauté pour ouvrir cette doublette, à savoir Unanimated. La formation de Black Death Melodic qui nous vient de Suède vient tout juste de sortir son quatrième effort studio, 12 ans déjà après le précédent. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Unanimated? Tout de suite on se dit, ouais putain, Black Death Melo suédois, il y a dissection sous roche, et en fait complètement. Groupe très actif entre 88 et 96, publiant deux albums. Le groupe a splitté ensuite, puis s'est reformé en courant 2000. Troisième album a vu le jour en 2009, et du coup, le quatrième effort studio sort là. Donc le groupe est bien sûr contemporain des autres formations suédoises du genre, telles que Dissection, Nécrophobique ou encore Sacramentum. Et musicalement, sans surprise, on est dans cette veine-là. On est donc sur un Black Death de base très primitif et frontal, avec quelques parties guitare très mélodiques, donc vraiment à la sauce vraiment suédoise, et quelques arrangements épiques par-dessus. Au niveau du line-up de Unanimated, qu'est-ce qu'on peut dire? Au niveau de la basse, par exemple, c'est le bassiste de Dismember. Voilà, ça reste dans la scène suédoise. Oh, bah tiens, le cogneur, c'est également le batteur de Unleashed. Et un des guitaristes a participé au groupe de Gorgrain, General Surgery. Donc voilà, on est sur un petit All-Star Band de la scène extrême suédoise dans ce line-up version 2021 de Unanimated. Au niveau du CD en lui-même, l'album s'intitule Victory in Blood, une sortie sur la label Century Media, et on va s'écouter tout simplement le titre de l'album en doublette avec Unanimated, la formation canado-française E-Force, groupe de trash formé par le chanteur-bassiste Eric Forrest de Voivode. Voilà, groupe qu'il a quitté en 2001 avant de venir s'installer en France. Il a ensuite monté un nouveau line-up et créé E-Force. Donc voilà, on est sur un thrash assez frontal, beaucoup moins prog dans l'approche forcément que Voivode, avec un chant bien hystérique, bien énervé donc. Voilà, les présentations sont faites pour la doublette à venir, Unanimated, E-Force. L'album de E-Force s'intitule Mindbender et on s'écoutera le titre Delirium. Yeah! pour la doublette suivante, pas de nouveauté, mais on retrouve là les ovnis de la diffusion de décembre, avec Me and That Man, également appelé Nergal and Friends, bien sûr le Nergal de Behemoth, qui sort son troisième album studio Newman, New Song, Same Sheets, volume 2. Me and That Man, c'est originalement donc ce projet parallèle de Dark Folk Country Blues Rock de Nergal. Il a vraiment laissé tomber ce côté Dark Folk, avec vraiment un accent mis sur le country, le blues rock, avec toujours une pléiade d'invités tous plus qualitatifs les uns que les autres. Et comme j'ai pu le dire la semaine dernière, ce que j'apprécie beaucoup dans ce concept d'album et d'invités à tour de bras, c'est que Nergal, en fait, il impose à tous ces artistes de la scène extrême à se revisiter eux-mêmes, parce que bien souvent on a des chanteurs de death, de black, mais qui vont proposer des chants totalement différents, ou des icos qui vont complètement sortir de leur zone de confort. C'est complètement le cas avec le titre de ce soir, puisqu'on le retrouve pas moins que monsieur Gary Holt d'Exodus, qui vient nous claquer un solo absolument extraordinaire, Jeff Mantas, bien sûr Jeff Dunn, ex-membre de Venom et plus récemment membre de Venom Inc, et à la voix on retrouve en duo avec eux Nergal, Blaze Bailey, et ma foi la voix de Blaze Bailey dans cette ambiance ultra sombre et absolument extra. Donc voilà, encore une fois, Me and That Man, si vous êtes un peu sensible à ce type de musique, n'hésitez surtout pas à vous pencher sur cette discographie qui commence à être déjà bien généreuse. Une sortie Napalm Records, et on s'écoutera le titre All Hope Has Gone, et en doublette avec Me and That Man, un nouvel extrait de l'EP de Stillbirth, Strings of God. Une sortie sur le label Unique Leader Records, on s'écoutera le titre Ultimatum Exitium. Stillbirth, donc le groupe de Surfing Slam venu d'Allemagne. C'est parti. Carry on. My hope is gone. We'll be right back.